Y'a quelqu'un? C'est un sex shop, connard! Ah d'accord, j'entre. Oh, quelle curieuse boulangerie! Bonjour monsieur! Bonjour, my tralala! Deux baguettes, s'il vous plaît! Quelle taille? Oh, je sais pas, pas trop cuite, s'il vous plaît! Molle, bien sûr! Oh, si vous avez des bannettes, peut-être! J'ai la marque Rocco, si vous voulez! La marque Rocco, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez me montrer? Bananas, melones! Regardez ce que c'est! Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que cet engin? Comment on s'en sert? Tu vas voir, retourne-toi! Oh non, oh non, oh!